maximum. Donc le chômage forcé sans break-on comme tout autre tumeur. Donc il y a des tumeurs l'os, il est constitué de l'épiphyse. C'est le cartilage, il y a la métaphyse qui est de l'os, il y a la diaphyse qui est une corticale. Donc pour les tumeurs, il y a des tumeurs qui sont ostéoproductrices, donc c'est les tumeurs qui vont produire de l'os. Il y a les tumeurs qui sont ostéoprotectrices, qui vont faire une lyse de l'os. Donc pour les tumeurs ostéoproductrices, il y a les tumeurs qui vont produire du tissu osseux. Donc c'est les tumeurs qui touchent les métaphyses et les diaphyses. Donc c'est les tumeurs qui vont produire de l'os, du tissu osseux. Il y a les tumeurs productrices du tissu cartilagineux. Les tumeurs à cellules géantes, c'est quoi les tumeurs à cellules géantes? C'est les tumeurs qui touchent l'épiphyse et la métaphyse. Désolant, c'est une tumeur qui est bénigne, en tant que tumeur bénigne, en tant que tumeur maligne. C'est ce qu'on appelle une tumeur à cellules géantes qui est une tumeur très fréquente dans l'os. Donc c'est ce qu'on appelle une tumeur à cellules géantes. Il y a les tumeurs mammaires osseuses, tissus conjonctifs, les lésions pseudo-tumorales et les cancers secondaires ou les tumeurs secondaires de l'os. Bon, pour les tumeurs, premièrement, on va commencer par les tumeurs productrices de tissu osseux. Donc ils vont produire de l'os. Il y a les tumeurs bénignes, il y a les tumeurs maligne. Dans les tumeurs bénignes, il y a l'ostéum, l'os, ostéum. Il y a l'ostéum ostéoïde, qui est une tumeur qui produit de l'os. Il y a, on va voir après des images, il y a à l'intérieur ce qui différencie l'ostéum ostéoïde par rapport à l'ostéum. Donc c'est une condensation de l'os. Et à l'intérieur, on va trouver un type de noyau. Donc il va y avoir un noyau. Et cette tumeur, c'est ce qu'on appelle le midus. Il y a une tumeur ou l'ostéoblastome. L'ostéoblastome, ça vient d'ostéoblaste. L'ostéoblastome, l'ostéoblastome. Et les tumeurs malignes, c'est quoi? C'est l'ostéosarcome, qui est la tumeur maligne la plus fréquente et la plus rare de l'os. C'est ce qu'on appelle l'ostéosarcome. C'est la tumeur maligne la plus rare de l'os. Bon, il y a des tumeurs productrices du tissu cartilagineux. Celles qui produisent l'os, il y a celles qui produisent du cartilage. Les bénignes, il y a des chondromes. On va voir les images de chaque tumeur. L'ostéochondrome, c'est l'os et le cartilage. Il y a le fibrome chondromyxoïde, c'est la fibrose plus du cartilage. Lorsqu'on fait une biopsie, on va trouver une sorte de fibrose plus du cartilage. Il y a les tumeurs malignes qui est la plus fréquente, c'est le chondrosarcome. Et on va voir des images du chondrosarcome sur le tumeur. Fréquent chez les sujets âgés qui touchent surtout les ceintures et surtout le bassin. Donc elles touchent surtout le sujet âgé. Il y a les tumeurs qui vont produire la moelle osseuse. Il y a le sarcome d'Hewing. Le sarcome d'Hewing, c'est quoi? C'est la tumeur la plus fréquente et la plus grave de l'enfant. D'accord? Donc le sarcome d'Hewing, c'est une tumeur qui touche souvent le petit enfant. Il y a le sarcome d'Hewing de l'os, il y a le sarcome d'Hewing, même parfois j'ai pas fini. Donc il y a le sarcome. Donc c'est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'enfant. Donc la tumeur maligne la plus fréquente chez le sujet l'adulte, le sujet âgé, c'est l'ostéosarcome. Et la tumeur la plus fréquente chez l'enfant, c'est le sarcome d'Hewing. Il y a les lymphosarcomes osseux, il y a les myélomes. Il y a les tumeurs qui vont produire du tissu conjonctif. Il y a le fibrome desmoïde, le lipome osseux. Il y a le fibrosarcome, les tumeurs, il y a des fibres comme les fibres musculaires et les malignes à l'intérieur de l'os. Il y a les lésions, ce qu'on appelle les lésions pseudo-tumorales. Donc c'est des lésions lithiques ou productrices d'os, mais ce n'est pas vraiment des lésions tumorales, c'est des lésions pseudo-tumorales. Il y a le kyste osseux ou le kyste essentiel. C'est un kyste, si on fait la biopsie, on va trouver un liquide clair. D'accord, donc on va trouver un liquide clair. Il y a le kyste anévrismal. Kyste anévrismal, c'est du sang à l'intérieur de l'os. Donc il y a une malformation vasculaire à l'intérieur de l'os qui va favoriser l'apparition d'un kyste anévrismal. Donc kyste osseux ou kyste essentiel, c'est un liquide clair. Kyste anévrismal, c'est du sang à l'intérieur. Donc c'est la biopsie qui va faire la différence entre ces deux tumeurs. Il y a les lacunes métaphysaires. Il y a le granulome iliosynovial, il y a la dysplasie fibreuse. La dysplasie fibreuse, c'est une malformation du tissu conjonctif de l'os. Et généralement, cette dysplasie fibreuse, elle est multifocale. Donc, elle touche plusieurs endroits. La dysplasie fibreuse. Bon, les tumeurs. Quels sont les modes de révélation de la tumeur? Les modes de révélation, comment on fait le diagnostic généralement d'une tumeur? Quand la tumeur est découverte à l'occasion, généralement deux douleurs. Bon, on est orienté par la douleur. Une douleur qui est nocturne. Une douleur qui est nocturne chez l'enfant ou l'adolescent. Donc, c'est une douleur qui apparaît surtout la nuit. Elle est synonyme ou elle est révélatrice d'un ostéo posteriori ou un ostéoblastome. D'accord ? Donc, une douleur nocturne, c'est chez un enfant, un adolescent, elle est synonyme soit d'un ostéoblastome ou le plus souvent d'un ostéo posteriori. Deuxièmement, les douleurs du phalloir ou les douleurs clématiques. Elles sont synonymes de tumeurs glandulaires. Troisièmement, les tumeurs douloureuses, la douleur qui est persistante toute la journée, à l'effort, même au repos, elle est synonyme d'une tumeur maligne. D'accord ? Donc, tout malade, tout individu qui présente une douleur, même au repos d'un membre, il doit bénéficier systématiquement d'une radiographie du membre. D'accord ? Donc, toute douleur persistante qui ne cède pas aux entachés usuels, on doit systématiquement faire l'exploration en une radiographie de face et de portée afin de ne pas passer à côté d'une tumeur osseuse. Donc la douleur, c'est le même symptôme. C'est pour la douleur qui ne cède pas aux ontalgies usuelles. Il y a les tumeurs douloureuses. Bon, les tumeurs douloureuses doivent systématiquement subir systématiquement une biopsie. Donc un malade qui présente une douleur persistante, même au repos, sans aucun traumatisme, et qui persiste même aux ontages usuels, il faut systématiquement faire une exploration par une radiographie de face et de profil afin d'éliminer une tumeur. D'accord ? Enfin, les tumeurs, c'est les tumeurs qui sont migratrices, c'est les tumeurs qui touchent plusieurs os. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les tumeurs longues. Bon, parfois, la tumeur, elle peut être volumineuse. C'est le deuxième mode de révélation. C'est le deuxième mode de révélation. Donc, si cette tumeur est volumineuse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire une compression sur les structures vasculaires et les structures nerveuses. D'accord ? Donc, parfois, le mode de révélation, c'est l'augmentation du volume de la tumeur. Et généralement, l'augmentation du volume de la tumeur, généralement, c'est une tumeur bénigne. D'accord ? Donc, une tumeur qui augmente rapidement de volume et qui fait saillir, donc, c'est une tumeur le plus souvent qui émane, surtout si elle n'est pas douloureuse. On va voir plusieurs types. Ici, c'est une exostose au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. D'accord ? Donc, c'est une exostose au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Donc, c'est une tumeur qui est douloureuse à la place. Donc, si on essaie de partir la crise, on va partir cette tumeur. Donc, c'est une tumeur qui est bénigne. D'accord ? Donc, c'est une tumeur qui est bénigne. Ici, c'est une exostose osteogénique au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une tumeur pareille, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va imiter le mouvement de la hanche. D'accord ? Donc, c'est le mode de révélation. Donc, c'est un malade qui va présenter une diminution de la mobilité de la hanche, il va consulter et la radiographie va révéler cette tumeur. Voilà, ici, une exostose multiple. L'exostose, c'est quoi ? C'est une formation ostéogénique qui est bénigne. Cette exostose, elle peut être solitaire. Donc, une seule exostose. Comme elle peut rentrer dans le cadre d'une maladie exostosante. Donc il y a plusieurs exostoses. C'est des formations qui sont bénignes, mais il y a plusieurs localisations. C'est ce qu'on appelle la maladie exostosante. Parfois on appelle la maladie chronique. Donc il y a plusieurs exostoses. D'accord ? Donc c'est une exostose multiple au niveau de l'hanche. Parfois elle peut faire saillie au niveau des tendons. D'accord ? Ici, c'est une saillie qui va gêner le muscle de la patte droite. Donc, elle va gêner les muscles de la patte droite. Vous voyez ici, c'est une exostose au niveau de la face antérieure de la cuisse, au-dessus de la rupture. Donc, elle va faire saillir sur le tendon quadricipital. Donc, en faisant des mouvements de flexion et extension, ça va déclencher une douleur. La radiographie a montré une exostose au niveau de l'extrémité inférieure du fémur à la face antérieure. Ici, vous voyez une exostose qui fait compression sur l'artère fémorale. D'accord, c'est une exostose qui fait saillir sur l'artère fémorale. Ici, c'est une exostose au niveau de l'extrémité supérieure du péroné qui fait saillir ou qui fait une compression sur le nerf sciatique occipité externe. D'accord, parce qu'il passe au niveau de la tête du péroné. Donc, c'est une exostose. Donc, le mode de régulation de cette tumeur, c'est une paralysie du nerf sciatique occipité externe. D'accord, donc lorsqu'on fait la radiographie, on retrouve cette tumeur. tumeur. L'autre tumeur, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? La compression au niveau de la, du vaisseau, il va y avoir ce qu'on appelle l'oxydation interminable. Donc, il va y avoir une compression dans la radiographie montre avec une lacelle de l'exostose, et la radiographie montre la compression de la paire fémorale par la tumeur. Vous voyez ici l'exostose au niveau du tumeur, au niveau de l'extrémité supérieure du péroné, qui fait une compression du nerf sciatique occipité externe. Donc le premier mot de libération, c'est quoi? C'est la douleur. Donc tout malade présente une douleur persistante, même au repos, qui ne cède pas aux ontagies visuelles, on doit systématiquement faire la radiographie à la recherche d'une tumeur. Donc le premier diagnostic, c'est une tumeur. D'accord? Donc on doit toujours éliminer les tumeurs. Le deuxième mode de libération généralement, c'est quoi? C'est l'augmentation du volume, c'est la saillie de la tumeur, soit sur un tendon, soit sur un nerf, soit sur un vaisseau. Bon. L'autre mode de libération, ici c'est un tendon sacral au niveau de la racine de la cuisse, qui fait saillie à la face postérieure, qui va faire une compression sur le nerf dans sciatique. D'accord? Sur le nerf dans sciatique. Ici c'est un tendon solitaire. Ici, c'est un condom solitaire qui va se manifester par quoi? Par une simple tumifaction au niveau du bras, avec douleur. D'accord? Avec douleur, c'est un condom solitaire. Donc, c'est une tumeur qui est bénigne. Vous voyez ici, un condom solitaire au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus qui a été traité chez ce patient, résection de la tumeur, puis stabilisation et greffe pour ce. Ici, sur l'exostose osteogénique. Vous voyez ici un condrosarcome. Vous voyez l'image d'un condrosarcome comparativement au condrome. Ici, c'est un condrosarcome qui touche surtout le sujet âgé au niveau du bassin. Donc, il touche les extrémités, les articulations, et surtout plus fréquent au niveau du bassin. Ici, c'est un condrosarcome qui a été traité chirurgicalement. Les élections de la tumeur. Vous voyez ici la tumeur, sur l'image de là-bas. Ici, c'est un ostéosarcome. L'ostéosarcome, c'est la tumeur maligne, la tumeur la plus grave de l'os. D'accord? Ici, c'est un ostéosarcome. On voit les images d'un ostéosarcome. C'est un ostéosarcome probablement qui est passé inaperçu. Donc, c'est un ostéosarcome qui a évolué. D'accord? Le diagnostic n'a pas été fait par contre. Donc, c'est un diagnostic qui est retardé. Bon, parfois, le mode de l'évaluation de la tumeur, c'est quoi? C'est une fracture pathologique. D'accord? Donc, c'est une fracture pathologique. À l'occasion d'un mouvement ou d'une chute banale, le sujet de l'enfant va faire une fracture. Lorsqu'on fait la radiographie, on va retrouver soit une tumeur maligne, soit une tumeur qui va être bénigne. D'accord? Et c'est le mode de révélation le plus fréquent, malheureusement. D'accord? Donc, malheureusement, le mode de révélation le plus fréquent, c'est les tumeurs, c'est les fractures pathologiques. Au niveau de l'enfant, généralement, c'est les tumeurs bénignes, surtout, c'est le kyste osseux, c'est le fibrome monocytaire, le granulom, la dysplasie fibreuse. Mais chez l'adulte, c'est les tumeurs à cellules géantes, le kyste anévrismal. Et chez l'adulte, on retrouve aussi les tumeurs secondaires. D'accord? Parfois, même la tumeur primitive, elle est découverte à l'occasion d'une métastase osseuse. D'accord? Vous voyez ici un kyste anévrismal. D'accord? Donc, sur fracture, sur kyste anévrismal. Vous voyez ici la rupture de la corticale. Ici, la rupture de la corticale. Donc, sur fracture, pathologique. Vous voyez ici la rupture de la corticale. Ici c'est une rupture des deux corticales, ici c'est une fracture. Donc c'est le mode de révélation le plus fréquent des tumeurs. Vous voyez ici une tumeur secondaire, un cancer secondaire. Bon, il faut savoir que les tumeurs secondaires sont généralement le sujet âgé. Deuxièmement, le siège de prédilection des tumeurs. Les métastases pour ceux, c'est quoi? Premièrement, c'est le rachis. Premièrement, c'est le rachis. Deuxièmement, c'est l'humérus. Troisièmement, c'est l'extrémité supérieure du fémur ou le profumoral. Donc, le siège de prédilection des tumeurs secondaires, des métastases osseuses, sont le rachis, l'humérus, l'extrémité supérieure du fémur et la fracture du corps du fémur. D'accord? Donc, c'est les sièges de prédilection. Bon, la tumeur secondaire peut toucher n'importe quel os, mais le siège de prédilection, ces tumeurs sont plus fréquentes au niveau du rachis. Au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, le col fémoral, et troisièmement, surtout l'humérus, qui est un siège de prédilection des tumeurs secondaires. decíamos que sacamos el bache para allí. Cuando lo pasamos, ¿no? Ahí sí, cuando lo solitario, hace un bache de la nada, lo mismo. Primero. Y si, si tu veux, hace un géant. D'accord, ici. Si tu veux, hace un géant. Voyez que c'est dans la radiographie. Si tu veux, hace un géant. Lorsqu'on fait la biopsie, on ne trouve pas de signe de malignité. Donc, si tu veux, qu'il gagne. Voyez ici son évolution. Donc, il va y avoir une rupture de cerf corticale. Rupture de cerf corticale, il va y avoir un avancement. Donc, elle devient maligne. Premièrement, par son siège, en fait, la situation. Et deuxièmement, par son évolution. Lorsqu'il va y avoir une rupture de la corticale avec un avancement, donc, si tu meurs, on peut classer comme maligne. Donc, si tu meurs macroscopiquement et microscopiquement, elle est bénigne sur le plan microscopique. Mais vu la situation et l'évolution de la tumeur, donc c'est une tumeur qui peut devenir maligne. Ici, donc, il va y avoir, si tu glisses, tu prends ton tibial, donc il n'y a plus de cartilage. Ici, c'est un empêchement, le glisse doit pas se faire. Non, la tumeur, pas c'est le géant, non. Sauf s'il y a une dégénérescence de la constéosarcome, parce qu'il y a toujours le risque qu'un n'importe quel tumeur, il y a le risque de dégénérescence vers un ostéosarcome. Les tumeurs osseuses, il y a toujours le risque de dégénérescence vers un ostéosarcome. La cellule géante, il y a le risque de dégénérescence. Donc, si il y a le risque de dégénérescence, donc il y a le risque de métastase. D'accord? Risque de métastase, mais c'est une tumeur qui évolue rapidement et qui touche des articulations. D'accord? C'est pour cela qu'on dit que le sang des tumeurs est très grave. Bon. Quels sont les signes du tumeur? Bon, on a vu le bon délai de la salle. C'est la douleur. C'est une fracture pathologique, finalement, et parfois, c'est pas son volume, pas sa situation. D'accord, pas la situation de la tumeur. Bon, une fois la radiographie, elle est faite. Il y a des signes, la bénignité, il y a des signes, évidemment, et la malignité. Bien sûr, en plus de la clinique. La clinique, on a dit que toute douleur persistante de cette phase oncologique, visuelle, et sans effort, elle oriente vers la malignité. C'est le plan clinique, c'est le plan radiologique. Il y a certains signes qui orientent vers certains types de tumeurs bénignes et d'autres qui orientent vers la malignité de la tumeur. Bon, généralement, les tumeurs bénignes, généralement, c'est des tumeurs qui sont régulières, premièrement, pas de rupture de la corticale, d'accord? Donc, c'est une tumeur qui est régulière, on voit ici, l'hémifologène, on voit ici la tumeur, elle est bien cernée, pas de rupture de la corticale, pas de lésion d'éparcimon, d'accord? Ici, on voit ici la tumeur. Mais il n'y a pas de lésion de la corticale, il n'y a pas de lésion d'éparcimon. Donc, c'est des signes qui orientent vers la malignité de la tumeur. Donc, c'est une tumeur qui est bien cernée. La corticale n'est pas rompue, deuxièmement. Et troisièmement, il n'y a pas de lésion d'éparcimon. C'est des signes qui orientent vers la malignité de la tumeur. Là, ici, par la localisation possible, voyez ici, par la kyste. Il n'y a pas de rupture de la corticale. D'accord? Donc, c'est une tumeur qui est bien cernée. Donc, ces tumeurs, c'est des tumeurs qui sont bénignes. D'accord? C'est des tumeurs qui sont bénignes. Même si on dit le traité chirurgical normal, parce qu'il y a risque de fracture, c'est tout. L'image du milieu. Donc, il y a risque de fracture chez un enfant. Donc, même si on traite chirurgicalement, pour éviter une rupture ou une fracture pathologique. Donc, on fait un traitement chirurgical pour éviter la fracture pathologique, mais sur le plan radiologique, c'est une tumeur qui est bénigne. D'accord, c'est une tumeur qui est bénigne. Vous voyez ici, c'est une tumeur à cellules géantes. Tumeur à cellules géantes, vous voyez ici, sur la radiographie, vous voyez les contours sont bien dessinés, vous voyez la tumeur. Donc, c'est une tumeur qui est bien localisée, sans rupture de la corticale, bien cernée, donc ça va faire la bénignité. Et pourquoi on parle de tumeur à cellules géantes? Parce que c'est le siège. De les directions des tumeurs à cellules géantes. C'est l'extrémité supérieure du tibia, elle est plus fréquente chez la femme jeune, en participant jusqu'à 24-25 ans. Donc, une femme qui présente une image lithique au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, bien cernée, un contour régulier, sans rupture de la corticale, le premier diagnostic à évoquer, c'est la tumeur à cellules géantes jusqu'à l'heure du compteur par une biopsie. D'accord? Par une biopsie. La tumeur à cellules géantes, elle est plus fréquente chez la femme. Vous voyez ici un kyste osseux solitaire. Kyste osseux ou kyste essentiel. Un kyste osseux. Donc l'image est bien régulière, elle est bien saine. D'accord? Ici, on voit la migration du kyste. Vous voyez ici à 6 ans, On voit le kyste au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus. Quand il va y avoir de la carrossance, donc il va y avoir de la carrossance au niveau du cartilage de carrossance, on voit l'image ici où elle est de. D'accord? Donc il y a une carrossance à 6 ans et en avant. Il y a toujours un kyste, mais c'est une tumeur qui est bénigne. Donc c'est une tumeur qui est bénigne chez l'enfant, mais en tumeur bénigne, c'est des kystes essentiels, il y a des kystes anévrisiques. Vous voyez ici un ostéo-ostéoïde, c'est une tumeur qui est bénigne. On voit ici, au niveau du deuxième métatarsien, il y a une condensation osseuse. D'accord, il y a une condensation osseuse, et sans rupture de la corticale, sans envahissement des parties molles, donc ça oriente vers la lumière. D'accord, ici on fait un scanner, on va trouver ce qu'on appelle le noyau ou le nucléus de la tumeur. On va voir après des images ostéo-ostéoïdes. Donc c'est des signes qui vont orienter vers la lumière. Donc tous ces images qu'on a vues, c'est des malades qui présentent généralement des tumeurs avec des signes radiologiques orientés vers la lumière. Donc c'est en fonction de la clinique, en fonction de l'évolution, on décide. Soit on fait une biopsie, soit on peut se contenter d'une simple surveillance radiologique. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, en fonction du contexte clinique. D'accord? Bon, parfois, il y a, on peut avoir sur la radiographie des signes de maladie. Signes de maladie, c'est quoi? Si l'os stimulise l'âge, donc il va y avoir une rupture de l'os, il n'y a pas de contrôle, rupture de la corticale, réaction périostée et l'envahissement des parties molles. Tous ces signes orientent vers la malignité de la tumeur. D'accord? Vous voyez ici un ostéosarcome. Vous voyez l'ostéosarcome. Donc il va y avoir une condensation de l'os. Une condensation de l'os. Vous voyez ici l'os est condensé, mais pas comme l'ostéo-ostéoïde, pas condensé. Il y a un envahissement des parties molles. Vous voyez ici, les parties molles sont envahies. Troisièmement, il y a la réaction périostée. Vous voyez ici ce qu'on voit, ce qu'ils disent. Donc c'est le périoste. Donc il va y avoir une réaction périostée. La réaction périostée, on la retrouve dans les tumeurs et dans les infections ostéo-articulaires. D'accord? Donc il va y avoir un décollement du périoste par l'infection ou par un abcès sous-périosté. Ici, c'est à cause de la tumeur. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la réaction périostée. Ici, c'est quoi ce qu'on appelle? C'est ce qu'on appelle la classique image du feu vert. D'accord? C'est comme si il y a du feu en l'air. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la classique image en feu vert. L'orient vert. D'emblée vers une tumeur maligne. D'accord, vous savez ça quoi? Une tumeur maligne. Vous voyez ici une petite tumeur, mais il y a ici une petite effraction de la corticale. Malgré que la tumeur elle est petite, mais il y a une petite effraction de la tumeur. D'accord, une petite effraction de la tumeur, donc ça peut orienter vers la malignité. La même chose. D'accord? Donc même s'il y a une petite effraction de la tumeur, d'autant plus que la tumeur elle est petite, ça orienté vers la malignité, parce qu'une petite tumeur qui est bénigne, il n'y a jamais de rupture de la corticale, sauf s'il y a un traumatisme ou une tumeur importante, il va y avoir une rupture de la corticale. Vous voyez ici, une tumeur secondaire. Vous voyez ici, l'envahissement des parties noires sur les deux, radiographie, l'envahissement des parties noires. Vous voyez ici, vous voyez une petite zone, comme. Donc il voit ici, c'est une petite rupture de la corticale. Malgré la tumeur, elle est petite, mais ça oriente vers la malignité. D'accord? Même ici, il y a une petite réaction périostée avec atteinte des parties molles. Donc, même si la tumeur, vous voyez, une petite condensation de l'os, mais ça oriente vers la malignité. Donc, il y a des signes qui peuvent orienter vers la malignité. Là, ici, un chondrosarcome au niveau du bassin. Ici, c'est une tumeur assez géante. C'est une tumeur microscopiquement qui est bénigne, mais radiologiquement, macroscopiquement, c'est une tumeur qui est en train d'évoluer vers la malignité. Donc il y a une rupture de la corticale, rupture de la corticale. Donc c'est une tumeur qui est évoluée vers la malignité. Un cancer secondaire de l'os, extrémité inférieure du cubitus, une lisse osseuse. Vous voyez sur le cubitus, une lisse opaque de l'os. Donc la lisse, ou la condensation avec envahissement des parties là, c'est des signes qui orientent vers la malignité. Vers la malignité. Vous voyez ici un condom périosté, ostéosarcome, je montre un ostéosarcome, vous voyez, l'envahissement des parties molles, l'envahissement de la partie molle, la rupture de la corticale. Bon. Une fois le diagnostic est fait, bon. Douleur, on demande la radiographie à l'occasion d'une fracture, on voit qu'il y a une liste osseuse, soit une tumeur bénigne, soit une tumeur maligne, en fonction du contexte clinique, en fonction de la radiographie. On doit systématiquement compléter par les examens complémentaires. Les examens complémentaires, c'est en fonction, il y a le scanner, l'IRM, la scintigraphie. La pléographie n'est plus pratiquée parce qu'actuellement, on fait ce qu'on appelle l'angio-IRM. D'accord, donc l'IRM, comment va la copier? Donc, ce n'est pas la pléographie, c'est l'angio-IRM. Généralement, c'est l'IRM, l'angio-copier, l'angio-IRM. Un bilan biologique, en cas de tumeur, en cas de bilan. Et enfin, le diagnostic microscopique qui se fait par l'étude anatomopathologique, par la biopsie. D'accord, par la biopsie. Bon, avant de détailler le scanner, on la biopsie. Généralement, elle fait le diagnostic anatomopathologique. Généralement, quand on décide de faire une biopsie, une tumeur, il y a des signes de malignité, après un bilan radiologique complémentaire, on décide de faire une biopsie. La biopsie, elle doit obéir à certaines règles. On va voir, il y a des biopsies qui sont faites à l'aiguille, il y a des biopsies qui se font en trocage, que ce soit scanoïdée ou éco-guidée. D'accord? Donc, sous contrôle de l'échographie, par le scanner, ils se font par le radiologue. D'accord? C'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. C'est le radiologue qui va faire la biopsie. Il y a la biopsie chirurgicale qui se fait par un chirurgien orthopédiste. D'accord? Bon. La biopsie, normalement, elle est systématique en cas de doute ou en cas de tumeur maligne. D'accord? Bon, la biopsie à l'aiguille, la biopsie au trocaire, elle se fait par le radiologue, ce soit éco-guidé ou scanoguidé. Et deuxièmement, la biopsie qui se fait par le chirurgien. La biopsie qui se fait par le chirurgien, elle doit obéir à certaines règles. Quelles sont les règles de la biopsie chirurgicale? Premièrement, par exemple, une tumeur au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. L'extrémité inférieure du fémur. D'habitude, en orthopédie, lorsqu'on fait une voie d'abord, on fait une voie d'abord externe. D'accord? Donc on fait une voie d'abord externe pour éviter l'axe vasculaire. D'accord? Une voie d'abord externe. Donc la biopsie, s'il y a des signes de malignité, la voie d'abord doit être une voie d'abord vasculaire. D'accord? C'est comme si on a opéré un vaisseau. Donc la voie d'abord, elle doit être vasculaire. Donc, par exemple, au niveau du fémur, au lieu d'opérer par la face externe, on aborde par voie interne. Premièrement. Par exemple, au niveau de l'humérus, on n'aborde pas par voie externe, on aborde par voie interne. D'accord? C'est la première règle. La deuxième règle, lorsqu'on aborde en orthopédie, donc il y a des masses musculaires, il y a des roches musculaires. D'accord? Il y a des roches musculaires. Lorsqu'on fait une voie d'abord en orthopédie, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en contact deux roches musculaires, on tape un muscle, on tape l'interstice intermusculaire pour ne pas léser les fibres musculaires. Mais dans la biopsie, on ne doit jamais rentrer en tant que deux roches musculaires. Pourquoi? Parce que si on rentre en tant que deux roches musculaires, il va y avoir un envahissement de la roche antérieure et un envahissement de la roche postérieure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Elle doit être transmusculaire. D'accord? Donc si on aborde autour d'un muscle, on doit rentrer à travers le muscle pour ne pas faire un envahissement des autres muscles. Parce que si on le prend après le malade, on va emporter toute la voie d'abord. Donc on va emporter, on va enlever la peau, on va enlever tous les muscles sur lesquels la voie d'abord est passée. D'accord? Donc on doit enlever tous les muscles. Donc la voie d'abord, elle doit être directe, transmusculaire, sans jamais passer entre deux loges musculaires. Troisièmement, la biopsie, elle doit toujours être faite par le chirurgien qui va faire le traitement ultérieur. D'accord? Donc, ce qu'on fait une biopsie, on fait la rapade, on retrouve une tumeur maligne, on décide de faire un traitement chirurgical, que ce soit les excisions, une prothèse, un complément ou une amputation. Donc, elle doit être faite par le chirurgien qui va faire le geste ultérieur. Donc, je ne peux pas faire moi une biopsie et ensuite confier le malade à un autre chirurgien. Donc, c'est le malade qui va prendre en charge moi qui va faire la biopsie. Il va faire la voie d'abord parce que la biopsie, elle rentre dans le cadre d'un protocole de prise en charge. Donc, une fois la biopsie, elle est faite, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le traitement de la tumeur. Le traitement de la tumeur, en fonction du diagnostic anatomopathologique. Par exemple, si on prend l'ostéosarcome qui est la tumeur la plus fréquente, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une chimiothérapie. On va avoir ici que de chimiothérapie, traitement chirurgical. Traitement chirurgical, soit un traitement radical à l'amputation, soit un traitement conservateur. Résection de la tumeur, mise en place d'une prothèse ou d'une greffe osseuse, et ensuite, après le traitement chirurgical, une autre chimiothérapie, plus radiothérapie. D'accord? Pour l'ostéosarcome. Le sarcome de lui, la même chose. Chimiothérapie, chirurgie, ensuite chimiothérapie, plus ou moins radiothérapie en fonction de la réponse. Donc, toute tumeur doit être traitée selon un protocole bien déterminé. Il y a des tumeurs, lorsqu'on fait la biopsie, on doit traiter chirurgicalement, ensuite on envoie le malade vers la chimie ou la radiothérapie. Mais la majorité des tumeurs, c'est des tumeurs qui doivent être traitées par une chimiothérapie, puis une radiothérapie, ensuite on fait un traitement chirurgical. Parce que si on fait la biopsie, on doit systématiquement disséquer les vaisseaux pour faire une grâce au millionnaire. On sait tous que les vaisseaux, c'est à la côté des vaisseaux qu'il y a les chaînes ganglionnaires. Donc si on fait un traitement radical, donc on doit systématiquement faire une dissection des vaisseaux. D'accord? C'est pour ça qu'on fait une voie d'abord vasculaire. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on fait une voie d'abord vasculaire, on décide de traiter le malade, on fait la radiothérapie, on fait la on fait la scintigraphie, on fait le bilan, et on nous dit qu'il n'y a pas d'atteinte. Lorsqu'on fait la voie d'abord et on voit qu'il y a une atteinte des vaisseaux et des nerfs, là, le traitement conservateur ne se discute pas. Donc c'est le traitement radical. D'accord? Donc on doit, c'est comme dans le cancer du sein, donc on doit systématiquement faire un curage d'embryon au niveau de l'artère axillaire. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc on peut faire premièrement le curage d'embryonnaire. Et deuxièmement, pour voir l'envahissement des vaisseaux et des nerfs. S'il y a un envahissement de l'artère et des nerfs, donc là, le traitement conservateur ne se discute pas. Donc c'est un traitement radical. D'accord, c'est pour ça. Voyez ici un scanner. Voilà, c'est un osteosarcome. Vous voyez une rupture de la corticale. Une liche de la corticale sur la coupe. Bon. D'accord, vous voyez la rupture de la corticale. Donc le scanner, qu'est-ce qu'il fait? Le scanner, il nous donne du coup transversal. D'accord. Et le scanner, c'est le meilleur moyen de faire des explorations sur l'os. D'accord. Donc l'os, le meilleur moyen de faire une exploration d'une tumeur osseuse, c'est le scanner. Donc il nous donne du coup transversal. D'accord, il nous donne. Du coup, transversal. Vous voyez ici une tumeur assez géante. Vous voyez ici aussi, radiographie. Malgré, on voit ici, on voit ici une rupture de la corticale. Même ici, on ne voit pas de rupture de la corticale, mais sur cette radiographie, on voit la rupture de la corticale. Ici, c'est une rupture de la corticale. Donc, sur la radiographie, n'est pas bien précise, face et profil, mais sur le scanner, vous voyez ici la rupture de la corticale. D'accord? Donc, le scanner, il fait des coupes horizontales qui va m'enchaîner. Non, c'est juste la tumeur. Vous voyez ici un ostéo-ostéoïde. Ostéo-ostéoïde. On voit l'extrémité supérieure. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le nidus. D'accord? C'est le noyau. On va voir après une image qui vient se construire d'un ostéo-ostéoïde. Ici, un chondrosarcome, c'est l'IRM. L'IRM, bon, le scanner, c'est le meilleur moyen d'exploration de l'os. Donc, il fait des coupes avec les reconstructions qu'on va regarder. Donc, il nous donne des coupes pour voir l'étendue de la tumeur sur l'os et l'état décorticale. L'IRM, c'est le meilleur moyen d'exploration des parties mortes. D'accord, des parties mortes, et deuxièmement, du cartilage de croissance chez l'enfant. Donc, une tumeur qui est proche des extrémités chez l'enfant, donc on préfère de faire l'IRM. Donc, elle explore, c'est l'IRM, elle explore mieux le cartilage de croissance au niveau de l'enfant. Et bien sûr, généralement, on fait l'IRM couplé à l'angio-IRM. Donc, ils font des coupes IRM. Ensuite, ils vont injecter le produit de contraste pour voir l'état des vaisseaux, la vascularisation de la tumeur. Bon, le deuxième but de l'IRM, c'est quoi? Le deuxième but de l'IRM, c'est quoi? C'est la recherche de ce qu'on appelle les métastases intramusculaires de la tumeur. Vous voyez ici l'IRM, vous voyez ici l'étendue de la tumeur intramusculaire. Donc ici, si on doit faire une résection, donc on doit systématiquement dépasser les limites ou de la tumeur en intramusculaire. Donc l'IRM, le but de l'IRM, c'est quoi? L'ancien de la tumeur, d'étaler partiellement des vaisseaux, et on va rechercher ce qu'on appelle l'ischip. D'accord, l'ischip, c'est les métastases ou l'extension intramusculaire de la tumeur. Donc, il y a deux moyens de les rechercher. Il y a l'IRM, il y a la scintigraphie. Il y a la scintigraphie qui vont nous enseigner. Vous voyez ici une scintigraphie. Bon, la scintigraphie, c'est quoi? La scintigraphie, elle va montrer dans l'infection, ce qui va faire les infections c'est une hyperfixation. C'est une hyperfixation. Mais la scintigraphie, son but est double. Premièrement, la recherche d'autolocalisation. Premièrement, donc on peut leur enseigner si c'est une tumeur secondaire ou si c'est une tumeur primaire. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va? Elle va nous renseigner sur l'étendue intramusculaire de la tumeur. D'accord, sur l'étendue intramusculaire de la tumeur. D'accord, donc elle va nous renseigner sur l'étendue intramusculaire de la tumeur. Donc pour voir l'étendue intramusculaire, pour voir les limites de la résection de l'amputation, on doit systématiquement faire l'IRM, sinon la scintigraphie. Donc la scintigraphie, premièrement la recherche d'autres localisations, et deuxièmement la recherche de la limite de l'envahissement intramusculaire de la tumeur. Voyez ici une exostose multiple, d'accord, ce qu'on appelle une maladie exostosante. Une tumeur qui est bénigne, même si on enlève l'exostose, on en voit à l'impact, c'est une tumeur qui est bénigne, mais elle peut devenir maligne par sa multiplicité. Donc elle touche tous les autres. Voyez ici une exostose au niveau de l'extrémité inférieure. Les deux jambes, enlevées de l'extrémité supérieure, d'accord, enlevées de l'extrémité supérieure, etc. Et même si on fait ce que la profondeur, on va trouver plusieurs occasions. Donc, en cas de maladie exostosante. Donc, le traitement, généralement, on ne fait pas le traitement chirurgical de cette superbe, sauf si l'exostose est gênante, que ce soit sur le plan esthétique ou sur le plan fonctionnel. D'accord. Elle fait un coupant du compresseur sur un tendon, sur un vaisseau ou sur un nerf. Donc, on doit systématiquement l'enlever, sinon, c'est une maladie qui est bénigne. Là, ici, la maladie d'Olier. On compte dans ma place. D'accord. C'est comme une maladie exostosante. D'accord. Bon, quels sont les arguments, hein? Comment on fait le diagnostic d'une tumeur? Il y a des arguments. Premièrement, il y a le sexe, il y a l'âge, il y a des tumeurs qui sont fréquentes chez l'enfant, il y a des tumeurs qui sont fréquentes chez l'adulte, il y a des tumeurs qui sont fréquentes chez le sujet âgé. D'accord? Chez le sujet âgé. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la localisation de la tumeur. En fonction de la localisation de la tumeur, on peut avoir une idée sur les diagnostics que tu peux avoir. Ensuite, les métaphyses. Les tumeurs les plus fréquentes, c'est les tumeurs cartilagineuses, on va le voir. Les kystes, que ce soit kystes en épaississement, kystes sincères, il y a le fibrome non encyclant. Les épiphyses, les chondroblastomes, les tumeurs à cellules géantes, les kystes en épaississement. Les diaphyses, la dysplasie fibreuse, et surtout l'ostéoïde. Vous voyez ici un kyste osseux, vous voyez ici une dysplasie fibreuse. D'accord ? Kyste osseux, dysplasie fibreuse. Fibrom, tendon mixoïde, votre extrémité supérieure, etc. Ici, qui est en évérissement et qui est osseux. Si on voit ces trois tumeurs, ici c'est un qui est osseux, parce qu'on a fait diagnostic par une biopsie. Ici c'est un dysplasie fibreuse, d'accord. Ici c'est un qui est osseux, comme vous le voyez, ou qui est essentiel. Ici c'est un qui est en évérissement. Si on voit les trois, les quatre radiographies, pratiquement c'est la même radiographie. Pratiquement, c'est la même radiographie. Et c'est la MAPA qui fait le diagnostic de cette tumeur. D'accord. Donc, c'est vrai, c'est des tumeurs qui sont bénignes de la localisation, mais en voyant les quatre radiographies, on peut dire d'emblée, si une distingue soit que ce soit un kyste osseux, ici, l'image, elle fait beaucoup plus que kyste anévérisme que kyste osseux. Pourquoi kyste anévérisme? Vous voyez ici, il y a une logère, il y a des logères et logères. Ces logères qui sont fréquentes au niveau d'une image d'éthique sont synonymes d'un kyste anévérismat. Et quand on a fait la biopsie, on a retrouvé que c'est un kyste essentiel. Donc en ouvrant la cortica, on a retrouvé un liquide clair. D'accord? Donc c'est un kyste essentiel ou un kyste osseux. Donc ce qui va dire que le diagnostic est un pathologique, on n'a pas quitté la cellule. Ici c'est un kyste anévérismat. D'accord? Voyez, tumeur assez géante. Kyste anévérisme, pratiquement, c'est la même image. En voyant la troisième radiographie, ici, c'est une tumeur acidogène. Ici, on voit une cellule lisse, on peut dire que c'est une tumeur acidogène. Premièrement, le siège, et généralement, elle est très fréquente chez la jeune fille. D'accord? Donc, on peut dire que c'est une tumeur acidogène, mais réellement, c'est un kyste anévérisme. D'accord? C'est un kyste anévérisme. Ici, c'est un chondroblastome. La radiographie iliaire, d'accord, l'extension de la tumeur ici, c'est une dysplasie fibreuse. On a dit que la dysplasie fibreuse peut être multifocale. D'accord, donc multifocale, sur la scintigraphie, il y a plusieurs localisations au niveau du bassin, au niveau du cilia, au niveau du rachis, même si on a appelé généralement, elle est plus fréquente au niveau de l'articulation temporomaxillaire. Donc la différence de la dysplasie fibreuse, finalement, c'est une tumeur qui est multifocale. Ici, c'est un ostéoïde. Vous voyez ici sur la radiographie le médius, le noyau de la tumeur. D'accord, vous voyez le médius. Vous voyez adamantinant, c'est une tumeur polygénie. Bon, on y va. Bon. Les arguments, il y a les arguments sur la métaphyse, l'épiphyse et le diaphyse. On a d'autres arguments, c'est en fonction du segment atteint. Le rachis, généralement, c'est le brachion qui est trié aux électrodes, le kyste, anévrismal, l'ostéoblastome, l'angion et le condom. Les autres bras, généralement, c'est les ganglions et aux éosinophiles. Les autres lames, c'est les condoms, on va le condom. La tendance pluriforcale, c'est surtout la dysplasie fibreuse, l'encombromatose, la maladie d'Olive. Vous voyez ici un kyste anévrismal. Vous voyez ici, sur la radiographie, vous voyez ici, le médius qui n'est pas bien ici. Mais sur la coupe scanographique, on voit le médius. D'accord, vous voyez. Donc c'est une condensation de la corticale avec au milieu un médius. Donc si on fait un traitement chirurgical, si on enlève pas ce médius, la tumeur va persister. Donc on doit systématiquement enlever ce médius. Même si on traite chirurgicalement la pièce qu'on enlève grosse, on doit tirer une radiographie de cette pièce pour voir le médius. D'accord, sinon, si on ne voit pas le médius sur la radiographie, on doit systématiquement compléter notre réserve. Il a été traité chirurgicalement par une biopsie autolocale. Vous voyez sur la croupe matérielle de contrôle, à droite, donc on a enlevé le médius. Donc c'est un traitement de la tumeur. C'est une tumeur qui diminue. Le seul symptôme, c'est la douleur nocturne. D'accord, c'est la douleur nocturne. Là, ici, la querelle, par laquelle on a enlevé le médius, scanoïdé. D'accord. Donc, c'est un traitement qui a été fait par un radiologue. Alors, généralement, c'est les radiologues qui font ces gestes. Vous voyez ici un kyste anévrismal au niveau, sur la radiographie, un kyste anévrismal au niveau du rachis. Vous voyez ici un chondrome de la main. D'accord. Le chondrome, on a dit le chondrome. Le chondrosarcome, il est plus faible au niveau des extrémités. Les chondromes, généralement, c'est les mains. D'accord. C'est une tumeur qui bénigne. C'est une grande macroscopie, mais quand on voit bénigne malade, c'est une tumeur qui maligne. Le traitement, c'est quoi? C'est l'amputation des doigts. D'accord. C'est le seul traitement chirurgical. Donc, c'est une tumeur qui bénigne sur le plan microscopique, mais cliniquement, radiologiquement, c'est une tumeur qui peut devenir maligne par l'extension de la tumeur. Là, ici, un kyste osseux dysplasie fibreuse, pratiquement la radiographie, elle est presque la même. Donc, le traitement. Le traitement, généralement, c'est en fonction de la biopsie. Si on fait une chimiothérapie, chirurgie, ensuite on complète par une chimiothérapie, une radiothérapie, si on fait une chirurgie quand même. Le traitement, quand tout tumeur, c'est un traitement qui est chirurgical. D'accord, c'est un traitement sur quand tout tumeur, le traitement des tumeurs, c'est un traitement qui est chirurgical. Dans le traitement chirurgical, il y a le traitement conservateur. Le traitement conservateur, c'est quoi? C'est la résection de la tumeur, complètement par de l'os. D'accord? Donc on fait une greffe osseuse, une synthèse. D'accord? Ici, c'est un kyste qui a été traité chirurgicalement. Ici, c'est une résection de la tumeur, c'est un ostéosarcome de l'extrémité supérieure du fémur qui a été traité chirurgicalement. Résection de la tumeur qui se mise en place d'une prothèse au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. D'accord, ils en place d'une prothèse au niveau de l'extrémité supérieure. Et si c'est un ostéosarcome au niveau de l'extrémité inférieure du fémur qui a été traité chirurgicalement par une prothèse massive du genou. Résection de la tumeur, prothèse massive du genou. D'accord, ici c'est un traitement conservateur. Ici, greffe osseuse plus prothèse massive du genou. Ostéosarcome de l'extrémité supérieure du tibia. Parfois, le traitement peut être radical. Pour radical, donc on fait une amputation, bien sûr. Bien sûr que ça, après une extension scintigraphique, scalaire, thoracique, abdominale. Et après, on fait un traitement radical, que ce soit, soit un traitement conservateur. Résection de la tumeur, ici, ils ont place une prothèse, ils continuent l'autre projet, que ce soit chimio-radiothérapie, soit on fait un traitement radical par une amputation de la tumeur. D'accord, si on fait par la pompe, par une amputation de la tumeur. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, le maître symptôme, c'est la douleur. Donc, une douleur persistante, prolongée, cette pathologie, elle est signe d'une tumeur maligne, tout à fait du contraire. Premièrement, Deuxièmement, on a dit qu'il y a des tumeurs qui sont cliniquement favorisées par des douleurs nocturnes. La tumeur qui est favorisée par la douleur nocturne, systématiquement, le diagnostic premier à poser, c'est l'ostéoporose. D'accord. Alors, c'est un moment de l'évaluation, c'est quoi? C'est une fracture pathologique. Donc, tout malade présente une douleur d'un segment osseux de cette partie doit systématiquement bénéficier d'une radiographie de face et de côté. Il ne va pas passer à côté du tumeur. Et là, on vous raconte une histoire d'un enseignant au niveau de la fac. Il y a un parent, un infirmier au niveau de la salle asthétique, qui a consulté plusieurs fois une douleur au niveau du mollet. Une douleur au niveau du mollet. À chaque fois, il consulte la salle asthétique, une douleur au niveau du mollet, c'est musculaire, c'est musculaire, c'est musculaire. La douleur a persisté. On n'en parle pas au 4 mois. Une fois, on est chez un résident, il a demandé une radiographie du genou plus la jambe. Le retour d'une mise de la corticale. Il demande un scanner, une liste importante de la tumeur. Une biopsie a été faite par M. Mazar quand il était à l'hôpital. Le diagnostic est un ostéosarcome avec un envahissement des parties noires, important des parties noires. M. Mazar lui a proposé l'amputation, il n'a pas accepté. Il est parti en France. Il a fini par une amputation, nous sommes morts. D'accord. Donc une tumeur persistante, ça ne coûte rien de faire une radiographie de face et de profil. Même si on fait par excès cette radiographie, il vaut mieux la faire par excès de passer à côté d'une tumeur qui risque de faire des métastases et qui fait un risque de faire l'engagement significatif. D'accord. Merci.